Le comité préparatoire de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer significativement le jour de naissance du général Kim Jong-il est constitué le 10 courant. Il a décidé, à l'occasion de la journée de la brillante étoile significative, d'organiser des cérémonies comme exposition de photos et livres, séances de films et représentations artistiques en l'honneur de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits du général. Il a également décidé de tenir des séminaires sur la grandeur du général et entretien dans les organisations affiliées. Par ailleurs, l'ambassade coréenne en Chine a abrité un rendez-vous de constitution du comité préparatoire de la filiale du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer significativement la journée de la brillante étoile comme fête commune de l'humanité.